L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 6. Comment dit-on voir? Ver? Ber. Hein? Le V se prononce comme un B. Hein? Et nous voyons. Vemos? Vemos, c'est ça. Vemos. Comment dira-t-on nous les voyons? Lo vemos. Lo vemos. Et comment direz-vous il ou elle ne le voit pas? Ou vous, hein, usted, vous ne le voyez pas? No lo ve. D'accord, no lo ve. Mais pour dire je vois, hein, c'est un peu particulier. C'est veo. V-E-O. Veo. Veo. Veo. Je vois. Veo. Hein? D'accord. Et il ou elle, au pluriel, le voit? Lo vemos. Ça, c'est nous le voyons. Ah. Hein? Je vous ai demandé il ou elle, au pluriel. Hein? Il ou elle le voit. Lo ven. Lo ven, hein? C'est ça. Alors, encore une fois, nous le voyons, c'est... Lo vemos. Lo vemos. Comment direz-vous nous nous voyons? Nos vemos. Nos vemos, oui. Hein? Nos vemos. Nous ne nous voyons pas. No nos vemos. No nos vemos. Nous ne nous voyons pas. On emploie d'ailleurs beaucoup en espagnol l'expression nous nous voyons, hein? Nos vemos, pour dire... On se voit, on se retrouve, on se donne rendez-vous. Et dans la langue de tous les jours, on l'emploie souvent aussi pour dire « à plus tard hein, », dans le sens « on se voit plus tard ».« Nos vemos ». Donc, si vous voulez dire « à quelle heure on se retrouve hein, »,« à quelle heure on se voit », ça sera « à ».« À que hora nos vemos ». D'accord. « À que hora nos vemos ». Et pour dire à quelle heure on se retrouve demain? A qué hora nos vemos mañana? C'est ça. A qué hora nos vemos mañana? Et comment on dit un peu? Un poco. Un poco. Donc, on se voit un peu plus tard, se dira... Nos vemos un poco más tarde. C'est ça. Nos vemos un poco más tarde.